Ouais, allô, c'est Tony. Ça va? Ouais, enfin, pas trop. Franchement, faut que je te voie. Je peux passer? Je viens juste de dormir, là. Je suis un peu fatigué. Est-ce que je peux te rappeler dès que je vais aller? Let me go, I don't love you no more. Let me go, I don't love you no more. Let me go, I don't love you no more. Let me go, I don't love you no more. De te tenir droit, mais mise en garde, ne te parlais pas. Que je t'aime et tu me déçois. Tu ne me connais pas. À cette heure, tu n'es plus rien qu'à mes sentiments, n'ont d'intérêt que moi. Et puis ensemble, tu le mérites. En absence, tu en hérites. Let me go, I don't love you no more. Let me go, I don't love you no more. Let me go, I don't love you no more. Let me go. Abandonner, te laisser, aujourd'hui recommencer. Trop aimer, t'endormir, c'est l'or mon cœur est scellé. Usé de tes phrases, j'ai préféré tout arrêter. Si seul dans ça fait mal, obsessionnel, attraction, fou de désespoir. Là j'en peux son cul, rappelle ton ex au trait. Putinité, tu fais du cri en pas de GSL. De son père, tu ne seras pas le gendre. Moi je suis pas son cum, juste un grand ref pour la défendre. Abandonner, te laisser, aujourd'hui